le temps de vous parler un petit peu de Henry Morgan Thaler. Le docteur qui, dans sa vie, a fait plus de 100 000 avortements est décédé hier. Je suis un peu mal à l'aise avec l'hommage, avec la couverture médiatique. Hier, émission spéciale à Radio-Canada, 2 heures. Ben, ça veut dire, Butch, attends, wow, Morgan Thaler est allé en prison, il s'est battu, là, pour que les femmes aient le droit d'avorter, puis c'est spécial. Ouais, je sais, mais moi, l'avortement, je vois ça comme un médecin qui fait ça. Je sais qu'il y en a qui le font, puis s'ils le font pas, ça va être les aiguilles à tricoter, puis et les supports à broche, puis je le sais. Là, avant, ça se faisait avec des scènes, c'était des boucheries. Bon, alors, le médecin qui fait ça peut dire, je protège la femme. En même temps, un médecin qui prête serment d'Hippocrate, que son but, c'est la vie, puis lui, il a fait 100 000 avortements, puis il est fier de ça. Moi, je catche pas. Regarde, je vais vous poser une question, là. C'est peut-être compliqué, mon point, là, où je vais en venir. Nommez-moi donc un médecin canadien qui a inventé un remède, un célèbre, là. Un qui a été honoré pour avoir sauvé beaucoup de monde. Êtes-vous capable? Non, je comprends, c'est qu'on a mis beaucoup d'emphase parce qu'il a aidé, entre guillemets, la cause des femmes. C'est comme ça qu'on le présente. Parce que c'est un champion de la cause féministe. Évidemment, c'est un héros. Mais personne ne se souvient. Il y en a d'autres dans l'Ordre du Canada. Il y a eu l'Ordre du Canada, le docteur Morgan Thaler. La docteure Descaries l'a eu aussi, Francine Descaries. Elle a fondé Emma Québec, spécialiste des transfusions mondiales. Docteur Last de Laval, le docteur Julien, spécialiste de la pédiatrie. Il peut vous en nommer plein. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas en valeur eux autres aussi. Parce que lui, c'est Richard Martineau qui dit ça, il y a un avant, il y a un après, là, Morgan Thaler. Tu sais, c'est... Puis moi, je le vois même pas, je le vois comme le fait qu'il a rendu ça sécuritaire, sérieux. Ça avait pas de bon sens avant comment ça se passait. Et le problème actuellement, c'est nous qui légiférons pas. C'est nous qui rendons ça hyper accessible, puis on peut même pas aborder le sujet sans se faire lancer des tomates, là. C'est juste notre question sondage, c'est là-dessus aujourd'hui. Je l'ai mis sur Bouchard en parle, Facebook. Tu vois, les gens ont des idées très arrêtées là, par rapport à l'avortement. Mais c'est comme si on se permettait même pas de réfléchir. Le docteur Morgan Thaler meurt et ils font 2 heures à RDI pour lui rendre hommage. Et si moi, je veux dire, on va lancer un débat là. Tu sais, avorter un embryon et un fœtus, là, c'est pas la même affaire. Il pourrait-tu avoir une limite au niveau des semaines? Jamais Radio-Canada va faire une minute sur ce débat-là. Pour eux, c'est réglé, c'est tabou, on touche pas à ça. Tu vois, c'est... Mais il y a même quelqu'un dans son commentaire qui disait, ben tant qu'à ça, on enlève-tu le droit de vote des femmes? Tu sais, c'est à ce point-là, là. On est là. Fermé, là. Non, je sais, puis Fabie a dit que cette nuit, ça allait, que ça a jasé beaucoup, puis le débat est reparti, puis c'est un vieux débat, on peut le faire un matin, mais on peut le faire n'importe quand, là. Puis vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de Bouchard en parle. Mais, je ne vais pas comparer des pommes avec des tomates, mais on fait une émission spéciale, parce que Patrick Roy s'en va à Denver. Oui, c'est un personnage important, c'est un sportif. Mais tu sais, des émissions spéciales, puis les médias qui mettent l'emphase sur un personnage, ça se fait tous les jours, là. Mais lui, il a quand même un vécu, quand même exceptionnel, qui mérite d'être mis de l'avant avec sa mort. Tu sais, que tu sois d'accord ou pas avec ce qu'il a fait, ça a été quelqu'un qui a fait l'actualité beaucoup, là. Non, je sais, mais comment je pourrais dire ça, moi? Il reste qu'ils ont interrompu des vies. C'est ça un peu pareil. Il a permis à des femmes de façon sécuritaire de mettre fin à leur grossesse. Donc, il a quand même interrompu des vies. Puis, moi, je suis mal à l'aise avec le 100 000. M'a donné une comparaison qui est un peu boiteuse. Je suis un soldat, moi, de Valcartier. J'ai tué 30 talibans. Non, ça se dit même pas. Non. Pourtant, il a fait son métier. En tuant des talibans, il m'a protégé. Il a permis de faire en sorte qu'il y a moins de terrorisme. Il a mis fin à des injustices. Or, je suis convaincu que si moi, là, si je rends hommage un matin, je fais un concours. Hey, les gars de Valcartier, appelez-moi. Qui en a tué le plus? Tous les médias vont me tomber sur la tête. Oui, c'est en disant, voyons, Butch, même si on sait que c'est dans le cadre de leur travail, c'est un travail nécessaire d'aller tuer des talibans, faut pas s'en vanter. Il reste qu'il y a du monde, il y a des humains, là. Bon, vous êtes un fœtus, c'est pas un humain. Là, je sais qu'on rentre dans les positions idéologiques, pis on n'a pas tous la même. Mais je comprends pas, moi, le piédestal à cet homme-là qui a fait 100 000 avortements. À la limite, sans remettre en question, sans revenir en arrière, moi, j'ai un immense malaise. Puis ce matin, ça passe comme dans du beurre. Il y a Martineau qui en parle un peu dans les médias, mais le reste, c'est comme un grand homme, un grand médecin, un médecin en plus, qui a fait... Y a-tu fait d'autres choses en passant? Moi, j'en connais des médecins qui font des avortements. Mais il s'est consacré à ça. Il y en a qui... Battu. Lui, c'était sa cause, là. Tu sais, sérieusement, là, il y a eu des attentats là, à cause de ses cliniques. Il s'est battu parce qu'il croyait sincèrement, là. Non, je sais, mais ça aussi, je reprends mon exemple. T'es un policier, mais toi, ta spécialité, c'est quand il arrive une crise, tuer une personne. Ben, ça s'appelle sniper. Puis on donne-tu des médailles à ces gens-là? En cachette. Ouais, exactement. En cachette. On aurait peut-être dû y donner de quoi? Non, pas de médaille, non. Moi, j'aurais pas donné de médaille, mais tu sais. C'est hypocrite, là. Là, c'est au grand jour. En tout cas, 8h15, on va rentrer dans notre scoop.